Allez, je tire le poulet, attrapez-le. Allez, merde, rattrapez-moi ce putain d'emparé de poulet, maniez-vous. Cité de Dieu. Cité de Dieu. Cité de Dieu. Peufra. Cité de Dieu. Mélange couleur, urine dans ma vitelle. Demain j'arrête mais demain je mets replay. J'ai pas de piston dans le monde de la musique. Je reste dans mon coin, dans ma cuisine. Je prépare moula, wesh, peufra et la neige. T'as fait, tu fais de la merde. Tu feras de la merde, toujours de la merde. Classique comme paquet 10 comme paire de gazelles. Classique comme trip de Wu-Tang sur cassette. Classique comme la scène du miroir à Cassel. Pas de commentaire quand on m'enterre, amen. Gobelet, codé, iné, ramène. Son message dit qu'en frère Mus fait un rappel. H la frappe, Chicago et le cartel. Comme Moïse ta mère je vais écarter. Je suis dans ton cul, je me sens bien comme au quartier. Je suis dans ton cul, je me sens bien comme au quartier. Pas de bonheur pour ton temps écarté. Pas de bonheur pour ton temps écarté. Je vais les wet et les wet sans les rater. Je vais les wet et les wet sans les rater. De la cité de Dieu, on sait bien que t'es radié. Grandi comme on pouvait. Je suis bon, je suis bédé. Trahi par ses pédés. Du sale, c'est sale idée. Du sale, c'est sale idée. Je suis dans le sale, ils le savent. T'es dans le simple et le falche. Indépendant, pas de muselière. Je suis sur le deck, je fais mal comme la molaire. Je suis de la frappe, juste à l'odeur. Tu pues de la juste à l'odeur. Suffit un week-end à l'OKML pour te faire sauter l'hymen. Les femmes ne dominent pas. La seule femme qui domine est dominicaine. Compare pas à Rebeu, je t'ai dit vénère début de semaine. Sourire viendra jeudi, comme si ce week-end j'allais te rire. Cherche ton dernier stick, peufra qui est tombé comme un trésor. Ils nous donnent que le smic pour vivre, donc on vendra de la mort. J'ai pris le mic, j'avais 13 ans, eh. T'arrêtes le rap, t'avais raison, eh. Ville pointe, les rails sont emprisonnés. Quartier et vite, ça fait bizarre, eh. Faut de l'oseille, marre d'être locataire. VDB m'a dit, y'a un truc à faire. Va te le faire tant qu'il est chaud. Et fric le dire tant qu'il est chaud. Grandi comme on pouvait. Je suis bon, je suis bédé. Trahi par ses pédés. Du sale, c'est sale idée. Je suis dans le sale, ils le savent. T'es dans le simple et le falche. Je viens d'en bas comme un hit-kick. Je vais me relever comme un hit-kick. Prenez Rami et Fekir. On a marré ce bras et mis. Y'a plus de petits, fais pas l'ancien. Y'a plus de petits, fais pas l'ancien.